Merci Manu Farine. Voilà, nous y sommes. C'est le dernier numéro de cette saison 2 de la méthode scientifique. Et pour conclure par une sorte de feu d'artifice, nous avons sélectionné la crème de la crème, les plus fougueux intervenants que vous ayez entendu se succéder à ce micro tout au long de l'année pour vous accompagner tout au long de l'été, pas uniquement sur les ondes, mais aussi dans vos valises, sur vos écrans. Et pour résoudre ce dilemme crucial en cette veille de vacances, non pas est-ce que je prends un ou deux maillots de bain, mais plutôt quel roman de science-fiction de 1500 pages je glisse dans mon sac à dos, quel film, quelle série de SF je vais dévorer en me prélassant dans le jardin ou au bord de la mer. Bref, on va vous en mettre plein la valise. De la SF plein la valise, c'est toute l'ambition qui est la nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et quand je vous dis que c'est la crème de la crème, le gratin, mais vous savez, la partie grillée, hein, celle qui croustille sur le dessus, la cerise sur le spectacle, bref, tout ce que la méthode scientifique a accueilli de meilleur ces derniers mois. Bonjour Jeannette Debat. Bonjour. Vous êtes autrice, directrice artistique du festival Les Utopiales. Bonjour Zoé Sfez. Bonjour Nicolas. Notre camarade du journal des sciences. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science, bonjour Caroline Tourbe. Bonjour. Chef du pôle santé-médecine de notre partenaire chéri Science et Vie. Bonjour François Forget. Bonjour. Chargé de recherche CNRS, Institut Pierre-Simon Laplace et membre de l'équipe scientifique de la sonde de Mars Express. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Chef du pôle numérique de Sciences et Avenir, et ça continue, ça n'est pas fini. Bonjour Raphaël Granier de Cassagnac. Bonjour Nicolas. Chercheur en physique des particules et auteur de science-fiction, bonjour Simon Rio. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Rédacteur en chef du site Écran Large, bonjour Jérôme Vincent. Bonjour, bonjour. Directeur des éditions ActuSF et last but not least, l'immarcessible, l'indispensable et le cyclopéen camarade François Angelier, bonjour. Au soir mon salut, noble étranger. Que l'on ne présente plus aux commandes de l'émission Mauvais Genre depuis 20 ans sur cette auguste antenne. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et sur notre site Twitter, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors, vous avez tous été de bons et sages élèves, vous êtes tous venus avec vos livres, films ou séries de l'été. On va commencer par l'une des séries événements de ces deux dernières années, adaptée d'un roman dystopique féministe de Margaret Atwood, publié en 1985 et adapté l'an dernier en série sur la chaîne Hulu par Bruce Miller, La Servante Écarlate, The Handmaid's Tale. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. Tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved. We only wanted to make the world better. Better? Better never means better for everyone. I want to keep on living for her. Remember your scripture. Blessed are the meek. And blessed are those who suffer for the cause of righteousness. Voilà la bande-annonce en version originale de The Handmaid's Tale par Bruce Miller sur la chaîne Hulu, qui en est à sa deuxième saison. Caroline, vous vouliez revenir au roman The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, non pas du tout? Mais alors, un peu. On peut en tout cas, si, revenir au roman. Le roman, c'est en fait ce qui permet de faire le socle de la première saison de la série. Roman qui est sorti dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Bon, 85. Je le reverrai jeudi. et fait le lit de la première saison de la série. C'est plutôt de la série, moi, que j'aurais voulu parler. Mm-hmm. C'est vrai qu'au début, on peut être assez décontenancé. les premiers épisodes, moi j'avoue, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui n'avance pas, je ne comprends pas bien. Et puis en fait, au fur et à mesure, comme souvent dans certaines séries, je me suis retrouvée prise au piège, un peu comme les personnages et les femmes dans cette série. C'est, on peut peut-être en redire un mot, rappeler pour les gens qui ne connaissent pas l'argument de cette série et du roman de Margaret Atwood. Ça se passe aux États-Unis, on comprend petit à petit que ça se passe dans certaines régions des États-Unis et que les femmes sont réparties en deux groupes, donc des servantes qui sont fertiles et qui peuvent porter des enfants, et puis d'autres femmes qui sont des maîtresses et qui, elles, ne sont plus fertiles. Et partant de l'idée que, justement, l'espèce humaine et la fertilité de l'espèce humaine est de plus en plus en danger, on en est venu à segmenter les populations comme ça, et les servantes, en fait, sont des ventres à pattes. Qui vont être violées de façon rituelle dans les familles des maîtres et des maîtresses. Et l'intrigue, elle est portée par un personnage qui est donc la servante écarlate. Offred, ou De Fred en français. Voilà, Fred, parce qu'on, on change leur nom aussi, on les dépossède de leur nom et on leur donne le nom de la personne, de leur maître. Donc De Fred, le maître en l'occurrence de ce personnage étant s'appelant Fred. C'est très oppressant et en même temps, il y a un espoir en permanence et on sent vraiment une force vive dans ce personnage principal qui est d'une force incroyable. Donc c'est très prenant. On est dans des dystopies très proches de Black Mirror, on n'est pas vraiment dans de la science-fiction, on est dans de l'anticipation cauchemardesque plutôt. Zoé, un mot sur ça? Oui, parce qu'en fait, on est dans une civilisation. En plus, il y a d'autres problématiques. Il y a évidemment celle des femmes, il y a aussi celle de la pollution. Puisqu'en fait, ce qui a réduit la fertilité, c'est le fait que les MST se soient répandus. Et surtout, qu'on est dans un monde où il y a des déchets toxiques. Il y a une autre catégorie de femmes, d'ailleurs, celles qui, en fait, ne sont plus utiles à rien, qui, elles, sont envoyées pour traiter les déchets toxiques. Dans les colonies. Il y a évidemment la problématique de l'environnement. Et donc, on est dans les États-Unis où il y a un mouvement protestant un peu sévère qui a pris le pouvoir, comme ça, visiblement assez facilement, sans que personne ne prenne la mesure de ce qui était en train de se passer. Et voilà, c'est là où on est dans une dystopie qui est réellement très très proche. C'est ce qu'on entendait dans la bande-annonce au début. Le Congrès est tombé, on a laissé faire. Les femmes ont perdu leur travail, on a laissé faire. Et ça interroge beaucoup notre passivité à tous face à des dérives qui sont des dérives autoritaires, Jeanne. Alors, je retiens deux choses sur la série. C'est notamment une photographie absolument sublime qui rappelle les maîtres de tableaux flamands avec une clarté très particulière qui fait que ça nous accroche directement. Tu parlais tout à l'heure de la lenteur de la mise en place. Personnellement, elle ne m'a pas gênée une seconde, mais je suis une lectrice aguerrie de science-fiction, je ne sais pas si c'est ton cas. Donc du coup, pour moi, c'était évident qu'on allait y arriver en douceur. Et la deuxième chose, c'est le côté la grenouille dans la casserole, sous laquelle on fait doucement monter l'eau jusqu'à la faire bouillir. Et au moment où le film commence, la grenouille est bouillue. Elle est foutue. Déjà. Mais elle bouge encore. C'est extraordinaire, cette série. C'est intéressant parce qu'effectivement, ça accuse directement notre position de spectateur d'une dystopie qui, en plus, est d'autant plus d'actualité compte tenu de ce qui se passe, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, et la bascule vers des mouvements autoritaires extrémistes. Et ça nous met nous-mêmes vraiment. C'est une série très accusatrice du roman. Moi, donc c'est un roman de 85 qui ressort là en série. Je suis frappé comme d'un seul coup, il y a une sorte de synchronicité avec l'actualité. Trump est élu, et donc on a de la législation anti-avortement, pas mal de débats là-dessus. Et donc, on a des manifestantes qui se part d'habits de la servante écarlate, donc qui utilise véritablement la série et les tropes de la science-fiction pour dénoncer la situation présente, et une sorte de collision véritablement de l'actualité. C'est assez extraordinaire. Cécile? Moi, ce qui m'a frappé, j'ai juste commencé à regarder la série, c'est que comme j'étais en train de relire 1984 dans la nouvelle version, il y a beaucoup de points communs. D'ailleurs, j'ai lu quelque part, je crois que Margaret Atwood dit qu'elle s'était beaucoup inspirée de 1984 par rapport au régime totalitaire. C'est le rapport à la sexualité. Voilà, dans La Servante écarlate, il y a une main mise sur la sexualité. C'est pas rigolo. Mm-hmm. C'est pas du tout sensuel. Donc, voilà. Non, c'est d'une brutalité même assez terrible. Et c'est exactement terrible, la même chose dans 84. Et j'avais oublié ce passage. Là, voilà, à quel point on n'avait pas le droit à une sexualité, à une sensualité heureuse dans ce type de monde-là. Simon? une des réussites de, et du livre et de la série, et ce qui, à mon sens, fait aussi son très fort impact, c'est sa capacité à présenter des personnages extrêmement nuancés. C'est-à-dire que les oppresseurs ne sont pas simplement des oppresseurs, ne sont pas simplement d'horribles mâles blancs venus maltraiter les femmes. Et on l'entendait brièvement, on entendait un des personnages masculins principaux dans cette bande-annonce tout à l'heure dire « Better never meant better for everyone ». Le progrès, il n'a jamais été question de progrès. Un progrès, ça n'est jamais un progrès pour tout le monde. Et c'est une des idées terribles et qui nous renvoie justement, vous le disiez Nicolas, à cette idée de passivité, c'est-à-dire que des gens trouvent leur compte dans ce système. Et la capacité de la série à le montrer, à montrer comment on peut être le complice passif, le complice actif, voire même trouver ces actes individuels un petit peu horribles, mais finalement nécessaires et s'incluant dans un grand ensemble, eh bien cette capacité-là de démonstration, elle est très très forte et très impactante. Parce que de facto, la pollution a réduit, c'est-à-dire que cette société totalitaire qui s'appelle Gilead a fini par avoir des résultats pour diminuer la pollution, pour rétablir une sorte d'ordre qui s'était... Donc effectivement, on est dans un gris et pas du tout dans un système manichéen qu'on pourrait imaginer quand on entend ce que vous venez de décrire et qui est effectivement assez brutal la description, Raphaël. Oui, un truc qui m'intéresse beaucoup dans La Servante écarlate, c'est l'année justement dans laquelle ça a été écrit, 1985. C'est tard hein, pour avoir écrit un bouquin sur la natalité ou des choses comme ça, qui sont des problèmes qui auraient pu être traités bien plus tôt. La contraception, la pilule, c'est bien avant, c'est 1950. Toute cette question-là, c'est un peu une des questions oubliées de la science-fiction historique, comme Internet par exemple, on y reviendra avec Heure tout à l'heure, qui n'avait pas du tout été anticipé ou très peu anticipé par la science-fiction. Et ça, c'est très lié, je pense, au fait que l'auteur est une autrice et que voilà, il fallait une femme vraiment pour s'attaquer à toutes ces questions de sexualité, de natalité, des choses comme ça. Donc, c'est tard, hein, 1985, par rapport à 1948 pour 1984. Caroline ? Et puis, il se passe depuis quelques années quelque chose autour des spermatozoïdes, où il y a clairement des alertes qui sont données sur une diminution de la concentration des spermatozoïdes dans le sperme des mâles occidentaux. Ce qui n'était pas nécessairement le cas en 1985, d'ailleurs. Exactement, et qui, là, laisse justement planer des craintes sur la fertilité. On n'en est pas encore là, c'est-à-dire que ces taux ne sont pas diminués au point où la fertilité serait en danger. Il y a parfois certaines études qui soulignent qu'il pourrait y avoir un peu un rallongement de la période nécessaire pour avoir un enfant, mais enfin, on n'est pas à un moment où l'humanité serait devenue stérile du tout. Donc, mais ça, cette nouveauté-là, on voit des titres, on voit autour de nous des informations qui alertent sur ces problèmes de fertilité. C'est important de le relever, comme le faisait Raphaël, que c'est une autrice. Alors, le showrunner est un homme, mais c'est une série extrêmement féministe, avec un message féminique très très fort, et qui reçoit non seulement un grand succès d'estime, qui reçoit un grand succès public, et qui n'arrive pas non plus dans le combat féministe à n'importe quel moment, Jeanne. Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, à un moment où, partout, et notamment aux États-Unis, la question de l'avortement est remise en question très très fortement. Et pas seulement la question de l'avortement, puisque dans la convergence des luttes apparaît aussi la défense des communautés, des minorités sexuelles ou des minorités de genre, on va dire, qui, partout dans le monde occidental, qui pourtant était dans une avancée assez remarquable jusqu'à très récemment, on arrive à des reculs terribles. Je viens de voir passer une information relative à la déprogrammation de Billy Elliot tout à fait à l'opéra de Budapest, oui. Sous prétexte qu'il ne faut pas promouvoir l'homosexualité dans un moment où la Hongrie essaye de remonter le niveau de sa population. Voilà. Billy Elliot, le film dont la comédie musicale a été adaptée par Elton John. Oui, Jeanne, juste ajouter un truc, c'est que en parlant de roman de 1985 et d'un roman dont on va parler tout à l'heure, La Stratégie Ender, les deux romans sont écrits en même temps. Et dans La Stratégie Ender, c'est de surpopulation qu'il est question. On y reviendra, c'est François Forget qui nous parlera de La Stratégie Ender. Donc on vous encourage vivement à relire La Servante écarlate de Margaret Atwood ou de voir la série The Handmaid's Tale dont les deux saisons sont disponibles sur toutes les bonnes plateformes de diffusion de séries en ligne. On va passer à un grand classique, à un autre classique. Alors on recule d'un an puisque La Servante écarlate a été écrite en 85. On parle de 1984 qui a été écrit en 1949. Bon, on va pas s'en mêler les pinceaux dans les dates, mais vous voulez nous en parler, Cécile, parce que qu'il y a une nouvelle traduction qui a été publiée chez Gallimard par José Camoun. Oui, et bien c'est une occasion de se relire. Une femme, qui est une femme, José Camoun. Oui, mais la première traductrice, c'était Aurelio Di Berti, c'était aussi une femme. Donc, mais c'est une occasion de se replonger dans ce vieux classique qu'on a souvent lu depuis quelque temps, n'est-ce pas? Nous sommes tous jeunes, mais quand même. Et de voir à quel point c'est intéressant. Alors, d'abord, il y a des questions de traduction. La nouvelle traduction fait naître quelques polémiques parce que là, c'est écrit au présent, alors que dans l'ancienne traduction, c'était écrit au passé, comme en anglais. Certains vocabulaires a changé, les protagonistes se tutoient, ils ne se voient plus, ce genre de choses. Big Brother reste Big Brother, mais le novlangue est devenu le néo-parlé, donc voilà. Moi, ça me pose des questions que je trouve absolument passionnantes de traduction, mais comme je n'ai aucune expertise sur le sujet, on va peut-être s'arrêter là. Oui, on demandera son point de vue à Vincent qui est éditeur ou à Raphaël traducteur. Mais pour revenir quand même sur l'idée de novlangue, parce que quand même en relisant du coup 1984, on s'aperçoit à quel point ça nous parle encore aujourd'hui. Alors, c'est pas pour dire que George Orwell avait tout vu, tout su, tout voilà. C'est écrit à la fin des années 40 dans une situation géopolitique qui a changé, c'est sûr. Mais ça nous parle quand même. D'abord parce que la peur du totalitarisme, je crois, n'est pas éteinte. Parce qu'il y a de bonnes raisons qu'elle ne soit pas éteinte. Parce que ça tire sur des ficelles, comme dans La Servante écarlate aussi, qui marche toujours, qui a la peur d'être prisonnier, la peur de souffrir, la peur d'être torturé, la peur de la solitude dans la foule, hein, parce qu'ils sont toujours en groupe, mais ils sont seuls parce qu'on ne peut faire confiance à personne. Et je crois que pour des animaux sociaux comme nous, c'est très parlant, toujours ça. Et pour revenir donc au novlangue, parce que c'est le novlangue normalement, ou le néo-parlé, ce que je trouvais intéressant, j'avais oublié ça, c'est donc le novlangue, je rappelle, dans le livre de 1984, c'est le langage qui est imposé par le parti. Et donc, c'est un langage où on a réduit au maximum le vocabulaire, on a réduit au maximum la complexité syntaxique pour éviter toute contestation, en fait, pour réduire la possibilité d'élaborer des concepts un peu compliqués pour rester au truc plus simple. Donc, de rester à un niveau de langage émotionnel très basique. J'aime, j'aime pas, voilà. Et moi, ça me faisait penser aux émoticônes. Voilà. oui. Ah, ça fait réagir tout le monde. François Forget. Oui, en fait, c'est comme beaucoup, je pense, j'ai lu ce livre adolescent, peut-être, je me souviens plus, obligatoirement dans le cadre du lycée. Et moi, j'ai le souvenir, c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait une nouvelle traduction, d'un livre qui m'avait marqué par son style, bizarrement. C'est-à-dire qu'on parle toujours de la forme, etc. Et ça fait partie des livres, on a tous connu ça, où à un moment donné, je me suis dit, oh, quand même, c'est cette puissance de l'écriture, là, il y a un style très fort. Et je me souviens plus des détails, mais je me souviens parfaitement que ce livre me disait, là, il y a quand même une manière de traiter les mots qui est vraiment forte. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la nouvelle traduction? C'est sûrement plus fort parce que le passage du passé au présent de nos jours, c'est important, je crois. Raphaël, vous avez regardé la nouvelle traduction? Justement, pour répondre à ta question, moi, je trouve que c'est effectivement le passage du passé au présent, c'est très très fort. Ça renforce beaucoup, pour moi, la proximité du roman, du personnage, surtout de Winston et au lecteur, quoi. Ça renforce énormément. Et puis 1984, c'est la dystopie, c'est celle dont tout le monde se souvient. Big Brother, tout le monde sait qui c'est. Alors, on peut regretter effectivement le néo-parlé, parce que la novlangue, c'est quelque chose que plein de gens parmi nous, on l'utilise dans notre langage à nous. Maintenant, c'est passé dans le langage commun presque. Donc, c'est, à part cette petite chose-là, je trouve que pour le reste, la nouvelle traduction, c'est génial. Et ça résonne à fond avec l'actualité, quoi. François. Non, j'abonde dans le sens, en ce qui concerne le présent, ça donne au récit que ça décape d'une sorte d'intention littéraire un peu désuète et assez traditionnelle, une puissance de percussion extraordinaire, parce qu'en définitive, c'est une société où les individus ne sont que dans le présent, qui est le présent du pouvoir et le présent de l'exercice du pouvoir. Le futur, bon, c'est pas trop, le passé est interdit, donc on est dans cette espèce de... on est cloué dans le présent. Et... effectivement, les nouveaux choix de traduction renforcent cette impression assez terrorisante. Simon ? Alors, au-delà de cette idée de la surveillance généralisée, moi je suis d'accord avec vous, c'est effectivement ce concept disant que quand on n'a plus les mots, on ne peut plus établir les concepts que je trouve bouleversant. Et le rapport avec les émoticônes m'évoque quelque chose, c'est que tout récemment, HBO a produit une adaptation de Fahrenheit 451 qui est très intéressante et qui prend justement beaucoup de choses à 1984 avec un résultat qui est, en termes de concept pur, assez intéressant. Et nos auditeurs qui seraient curieux de voir de nouvelles retranscriptions de ces œuvres feraient bien de s'y intéresser. Jeanne. Alors, je vais dire autre chose ensuite, mais pour répondre directement à Simon, dans 1984, il y a les mêmes écrans que dans Fahrenheit. C'est pas du tout étonnant, la proximité entre les deux œuvres. Par ailleurs, revenons sur le novlangue. Je trouve très dommage de le voir disparaître. Et je note souvent, là, en tant qu'autrice, en tant que féministe, noter, autrice au passage, parlant d'écriture inclusive, forcément, très souvent, nous nous faisons taxer d'usage de la novlangue, alors que c'est tout l'inverse. La novlangue empêche de penser l'oppression, l'écriture inclusive la démontre. Cécile. Autre chose qui est très fort, je trouve, dans 1984, aujourd'hui, à notre lecture d'aujourd'hui, c'est le rapport, disons, négligent à la vérité. Parce que je ne peux pas parler des fake news là, mais plutôt du fait qu'on soit dans l'ère de la post-vérité, des faits alternatifs. Et voilà. Et c'est en 1984, puisque le héros est chargé de réécrire les articles du Times pour qu'ils correspondent à ce qui s'est réellement passé et pas, enfin, ce qui avait été prédit par le parti et pas à ce qui était effectivement ce qui a été passé. Et voilà. Je trouve que aujourd'hui, ça nous fait réfléchir. Vraiment, il faut se battre pour la notion de vérité et pas penser que c'est accessoire. Jérôme et Zoé. Jérôme pour moi. Non, simplement, moi ce que je trouve aussi intéressant, c'est toute l'affaire autour de la nouvelle traduction. En fait, ça met en avant le boulot des traducteurs et depuis, on va dire, 10, 15 ans, il y a tout un travail de retraduire ou de réviser les traductions sur un certain nombre de textes. Et là, ça le met plutôt en valeur. On avait vu Fondation, par exemple, d'Asimov, que ça l'avait complètement dépoussiéré et rendu complètement encore plus moderne. Et c'est intéressant de se rendre compte que à partir d'un même texte, on peut en avoir des versions complètement différentes en fonction des époques. Moi, un dernier mot pour dire que j'ai lu 1984 assez tard, parce qu'en fait, on en parle tout le temps, mais tout le monde ne l'a pas lu. Je pense que c'est bien, qu'il faut absolument le relire, et qu'au regard de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que la question de la novlangue, déjà, en plus, elle est passée dans le langage, on en parle pour désigner ce que font les politiques quand parfois ils réduisent des concepts au plus simple appareil. Donc c'est vrai que c'est dommage de ce point de vue-là, et c'est vrai que ça fait écho à ce qu'on disait de la servance écarlate. Le langage et la sexualité, c'est quand même le dernier domaine de l'intime, et c'est évidemment les deux bouquins qui montrent vraiment à quel point tout ça est important. Voilà. La nouvelle traduction de 1984 de George Orwell par José Camoun, c'est aux éditions Gallimard. On va rester dans les classiques avec là aussi un roman qui a été récemment adapté il y a quelques années avec plus ou moins de succès au grand écran. On en écoute un extrait. Il y a 50 ans, une force extraterrestre connue sous le nom de Dorifor attaqua la Terre. Il y eut 10 millions de pertes humaines. Ce fut seulement grâce au sacrifice de notre plus grand commandant que l'anéantissement de notre race fut évité. Depuis, nous nous préparons à affronter leur retour. La flotte internationale décida que les enfants les plus intelligents étaient le dernier espoir de notre planète. Élevés avec les jeux vidéo de guerre, leurs décisions sont intuitives, déterminantes, intrépides. Je suis l'une de ces recrues. Ça y est, je te tiens. T'es mort, Wiggin. Je vais te foudroyer. J'ai regardé par ses yeux. J'ai écouté par ses oreilles. Et c'est le bon. La stratégie Ender's Game, l'adaptation de la série de romans d'Orson Scott Card par Gavin Hood. C'était en 2013 au cinéma avec notamment Harrison Ford et Ben Kingsley. Un conte assez noir sur le statut d'enfant soldat qui a été un peu lessivé par son adaptation cinématographique, on peut le dire, François. Oui, je propose de pas trop parler du film. Voilà, bon, on va pas en parler du tout alors. Était décevant. En tout cas, pour ceux qui ont lu le livre, c'était, ça fait partie des adaptations ratées, pas très. Et c'est bizarre parce que ça aurait pu être réussi, mais on va pas en parler. Parlons du livre. Alors. Le livre, déjà, on vient de parler de La Servante écarlate de 1984. Là, c'est un livre pour la plage, à nouveau, quand même. Alors, bien sûr, il y a de la profondeur, mais ça se dévore assez bien, quand même. C'est parce que vous pouvez le donner à un adolescent, au bout de, les cinq premières pages sont un tout petit peu déroutantes, et puis après, il pourra plus s'arrêter, il va avoir envie de lire la suite, etc. Donc, un petit peu de récit, quand même. Oui, on peut raconter un peu de quoi il s'agit. La bonne vraie science-fiction, avec des histoires de guerre extraterrestre. Donc, je vais essayer de résumer très vite l'intrigue. Vous êtes dans un monde qui a été attaqué il y a 30 ans peut-être par des extraterrestres classiques, en l'occurrence des Dorifors, insectoïdes avec une reine, etc. Et puis par miracle, les terriens qui avec leurs petits vaisseaux spatiaux de l'époque ont réussi à se défendre, notamment grâce à on s'est rendu compte que ce qui était très important c'était la stratégie, donc là un chef très très fort. Et depuis ils se sont dit on va donc essayer d'élever des adolescents surdoués pour qu'ils deviennent super forts, parce qu'ils se sont rendu compte un petit peu à l'image qu'on a des des experts en jeux vidéo. On se dit, pour être fort en jeux vidéo, il faut avoir 15 ans. On se dit, ah voilà, c'est cela qu'on... Alors, il y a toute une formation, on sélecte les jeunes surdoués, on les met dans une base spatiale qui sert d'entraînement, c'est très rigolo à lire. Et puis ensuite, je ne peux pas raconter la suite, parce qu'il y a quelques surprises. Donc, on est dans ce contexte-là. Alors, quelques grosses surprises. Quelques grosses surprises, mais on ne va pas en parler. Bien sûr. Alors, après, avant que tout le monde en parle, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a des choses quand même... Alors, d'abord, le livre se lit très bien. Et il y a plusieurs choses à dire sur ce livre. D'abord, le fait que, quelque chose qui est très bête, mais qui est très fascinant, c'est que moi, je l'ai lu il y a très longtemps, ce livre. Il date de 1985. Et alors, en début de chaque chapitre, il y a des échanges d'emails, en 85. Ouais. Donc, c'est assez probable. Et puis ensuite, Allez-y, Jeanne, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des enregistrements audio. Ah, ce sont des enregistrements audio. On a vraiment l'impression que c'est des emails. Voilà, c'est des enregistrements alors, audio qui ressemblent à des emails. On va peut-être me contredire. Moi, j'ai lu ça comme des emails. Et on va peut-être me contredire. Et il y a une petite intrigue parallèle qui est liée aux frères et aux sœurs de Under qui sont aussi surdoués et qui finissent par prendre le pouvoir. Comment? En créant des blogs, il y en a une très forte personnalité, présence sur le web mondial. Le web mondial en 85, c'est pas mal vu quand même. Et l'autre point, qui est l'adolescent, le personnage principal, qui va mener le nouvel assaut contre les... Et l'autre point qu'il faut ajouter, c'est qu'en fait c'est le premier d'une série, il y a eu d'autres livres, en particulier le deuxième livre qui s'appelle... Alors, Speaker for the Dead, en anglais, La Voix des Morts. Excusez-moi, parce que je suis un peu snob. Vous avez lu en anglais, mais très bien. Bah, j'ai habité longtemps aux États-Unis. Donc, qui est complètement un livre complètement différent. On retrouve Ender, 35 ans plus âgé, mais c'est 3000 ans plus tard parce qu'il s'est déplacé, vaisseau spatial, je vais pas détailler. Qui est un livre complètement différent, extrêmement riche, irrésumable, donc je vais pas le résumer, avec des histoires d'extraterrestres sur une autre planète, quelque chose de, très probablement inadaptable au cinéma, certainement. Et alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un livre, donc ça va dans la suite. C'est un livre qui était tellement différent, mais tellement fort. Alors, pour le coup, très bien écrit. À nouveau, c'est un livre qu'on peut lire et on se dit, waouh, ça, c'est du style. Que, un an plus tard, après avoir donné tous les récompenses de succession, tous les prix Nebula, Hugo, un an plus tard, ils se sont dit, waouh, on est obligé de donner à nouveau les prix, tous les prix, au même auteur, un an plus tard. Hugo et Nebula qui sont les plus grands. Et Nebula. Donc voilà, la suite aussi est extraordinaire, très différente et assez réussie aussi. Jean-Vincent. Moi j'ai failli me pendre en lisant la stratégie Ender. Vraiment, je suis passé à côté de ce livre-là. Non, juste pour rajouter, Orson Scott Card néanmoins est un auteur passionnant. Je recommande notamment Les Maîtres Chanteurs et La Voix du Cerf, qui sont vraiment des grands livres. Et puis en regardant là, pour dire quand même un film, j'aimerais faire une citation. J'ai trouvé quelqu'un qui a écrit sur le film. C'est un film très laid qui ferait passer l'inspecteur Harry pour un gauchiste. Et c'est une citation de Simon Rio. Je veux pas balancer. Mais... Simon, un mot pour vous défendre? Certainement pas pour me défendre. Moi, je ne parlais, encore une fois, évidemment, pas du texte, mais bien de son atroce adaptation, qui, vous le disiez en deux mots, est la tentative de faire rentrer un grand récit de science-fiction dans les cases du young adult, c'est-à-dire du divertissement calibré pour ados qui se goinfrent de pop-corn et qui meurent d'hyperglycémie. Tout simplement, ça ne marche pas. Et le film passe notamment complètement à côté du message et de la remise en perspective de la stratégie que les adultes font développer à Ender, et à mon sens donc du coup se retrouve complètement hors sol et dit précisément le contraire de l'œuvre, et donc aboutit à un message qui est juste absolument terrifiant. Puis il y a quelque chose pour conclure peut-être, François, d'une brutalité sur le statut qu'on lit quand même d'enfant soldat, c'est-à-dire d'enfant qu'on propulse à la tête d'une volonté militariste hyper agressive, donc il y a quand même toute une partie du roman qui parle de ça et qui est effectivement complètement évacuée par l'adaptation. En partie. Oui et non, en fait. Oui, bien sûr. Mmh. Dès qu'on réfléchit un peu, mais finalement, quand on est pris dans le livre, parce que le livre a une certaine force. Et il a des défauts, hein, si vous voulez, c'est un peu bizarre quand même. C'est de la guerre, c'est un peu. Mais il a une certaine force parce que il nous met très très bien dans la tête d'un enfant surdoué. Et ça, c'est quelque chose d'assez amusant. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà lu et la stratégie Under et qui se disent que lire cet été, ils ont après ça, Orson Scott Card a écrit d'autres livres. Alors, tous sont pas bons, mais il a écrit un livre qui est un parallèle qui s'appelle, je connais en anglais. La stratégie de l'ombre. La stratégie de l'ombre. Qui parle de, si vous vous souvenez, d'un personnage qui s'appelle Bean, qui se trouve a été modifié génétiquement. Il y a toute une histoire qui est super génie, mais lui a 18 mois. Et là encore plus, peut-être, on se retrouve dans la tête d'un enfant surdoué. C'est très fascinant à lire. Alors après, c'est presque un jeu. Encore une fois, je veux pas revendiquer la puissance philosophique du texte. J'aurais peut-être presque peur de dire ça. Par contre, c'est assez rigolo à lire. Et sur la plage, voilà, c'est le conseil pour cet été. Amusez-vous. Le conseil de François Forget, la stratégie Endor. Maintenant qu'on a fait les grands classiques, on va passer à plus des découvertes et un auteur qu'on a beaucoup aimé ici à la méthode scientifique, en particulier moi qui vous parle, parce que c'est un roman de science-fiction assez déroutant, une SF assez inédite. C'est de la SF chinoise. Liu Cixin, qui a écrit un premier volume, Le problème à trois corps, c'est publié chez Actes Sud et ça vous a marqué, Olivier, ça a marché sur vous. Oui, non, moi j'ai lu ça cette année et je suis tombé de ma chaise, hein. C'était une vraie surprise, j'ai découvert ça complètement par hasard, je connaissais pas ce monsieur, et c'est en lisant un papier sur le télescope chinois qui s'appelle FAST, qui est le plus grand en son genre, absolument immense, je sais plus combien de terrains de foot ça fait, et cet instrument d'analyse du ciel a été fait notamment pour pouvoir éventuellement rentrer en contact avec une civilisation extraterrestre. Il y a 5%, je crois, de son temps d'utilisation qui va être dédié à ça. Et dans un papier, Liu Cixin était interrogé sur cet emploi et cette traque d'extraterrestres, puisque c'est ce dont parle son livre. Alors avant de parler de ce livre, il faut, je pense, faire un warning, un avertissement. Mmh. Il faut pas lire la quatrième de couverture. Non. Parce que ça gâte le goût. Non, vraiment. Voilà. Faut pas lire la quatrième. C'est un problème dont il faudrait qu'on parle à Actes Sud, parce qu'il faut en général ne jamais lire la quatrième de couve des livres d'Actes Sud, qui en général vous gâchent le plaisir, vraiment. Alors là, vous mettez un petit post-it, ce que vous voulez. Enfin voilà. Bref, le problème à trois corps, c'est un problème d'astrophysique et de mathématiques qui est assez classique finalement et qui fait s'arracher les cheveux de ceux qui en ont plus que moi et qui travaillent sur ces questions-là, à savoir comment un système à trois étoiles peut maintenir une périodicité stable dans le temps. Les planètes qui sont dans ce système à trois étoiles peuvent tourner autour de l'une d'entre elles pendant un temps, et puis quand la deuxième étoile se rapproche, elle est happée par la deuxième étoile, donc elle va bouger différemment et elle va souffrir à intervalles de temps réguliers d'effondrements gravitationnels. C'est ce qui se passe dans une certaine civilisation extraterrestre dont il est question ici, qui s'appelle Trisolaris, et qui vit à intervalles de temps réguliers, mais pas resserrés. Hein. C'est une civilisation qui a le temps de se développer, d'arriver à un point de technologie assez important. Mais il se passe une catastrophe parce qu'il y a cet effondrement gravitationnel. Et tous les compteurs sont remis à zéro et ils doivent trouver une solution pour assurer la survie de la civilisation de Trisolaris. Ça, c'est ce qui se passe dans le contexte extraterrestre de ce roman. L'autre point de vue, l'autre histoire, finalement, elle se passe sur Terre. Et elle commence pendant la révolution culturelle chinoise. C'est un roman chinois qui se passe en Chine. Il y a très peu d'interventions de personnages occidentaux. C'est une difficulté de lecture, hein, pour un type comme moi, par exemple. C'est-à-dire, avec toute cette galaxie de personnages avec des noms chinois, au début, il faut peut-être se faire des fiches pour savoir qui est qui. Bon. Et en tout cas, on commence avec une jeune femme qui est la fille d'un grand professeur de physique, mais pendant la révolution culturelle. Donc, il est accusé d'enseigner Einstein. Il est accusé d'enseigner la théorie de la relativité, des concepts qui sont rétrogrades et conservateurs. Donc il est tué et sa fille, elle est mise en situation, elle est en surveillance et en tout cas pour la punir, on la fait travailler dans un centre d'études, dans un radar surpuissant qui s'appelle Côte Rouge, qui a été fait pour rentrer en contact avec des civilisations extraterrestres. C'est le tout début, c'est la toute première partie du livre, hein, ce que vous racontez, hein, pour dire qu'on ne dévoile pas l'intégralité de l'intrigue. Et le livre va comme ça slalomer entre plusieurs temporalités. Le récit qui commence en 1967 à peu près, qui raconte le cheminement humain et intellectuel de cette jeune femme dans ce centre d'études scientifiques, dans cette antenne surpuissante qui envoie des signaux radio, qui les envoie comme ça à l'inconnu, enfin sensible particulier pour happer l'intérêt des extraterrestres. Et en même temps, on passe à l'époque contemporaine. Et on est avec des inspecteurs de police et des scientifiques qui travaillent sur la disparition de grands scientifiques qui se suicident, qui meurent pour des raisons qui sont inconnues au début de l'intrigue, et petit à petit, on va comprendre comment ça a un lien avec le travail qu'effectue cette jeune femme dans ce radar. Alors, ce jeu de la disparition comme ça de ces scientifiques qui est un peu à la base du récit, moi, ça m'a fait inexorablement penser au Watchmen d'Alan Moore. Mm-hmm. Les Watchmen commencent avec la disparition des super-héros, on ne sait pas pourquoi. Qui sont tués les uns après les autres, qui est une grande bande dessinée d'Alan Moore. Et puis il y a un autre point commun qui m'a plu entre ces deux récits, c'est la façon comment, à des préoccupations qui sont complètement humaines et terriennes, les personnages essaient de trouver des réponses qui sont de l'ordre du cosmique. C'est très troublant dans ces deux romans. Et c'est ce qui m'a beaucoup séduit. Ce jeu sur la temporalité est très, très, très, très réussi. Ce qui est passionnant dans Le problème à trois corps, c'est précisément qu'enfin, on sort du prisme occidental de la science-fiction et ça nous raconte autre chose. Ça nous raconte autre chose. C'est une autre structure de narration. C'est déroutant, mais c'est passionnant. Jeanne ? Alors, la science-fiction chinoise en ce moment, elle est en train d'exploser, mais littéralement. Et leurs associations tentent de percer le mur occidental parce qu'il y a un mur occidental. Alors, je vais le dire avec précaution, mais si le temps le permet, et si vous vous promenez du côté de Nantes en novembre, il se peut que vous rencontriez Lucie Chin. Ah, qui serait invité aux Utopiales. Peut-être, ce serait formidable. Alors, je mets toutes les précautions du monde là-dedans, parce que la communication avec la Chine est complexe. Chinoise. Jérôme ? Oui, on a un grand roman. Je voulais juste revenir sur ce que dit Jeanne. On a notamment une autre auteure, Hao Jingfang, qui vient de sortir un recueil de nouvelles qui s'appelle L'insondable profondeur de la solitude chez Outreflot, qui sera aux Utopiales aussi. Donc, vous dévoile en avant-première. Je suis étonné, épaté. Je trouve ça vraiment chouette. La science-fiction, qui est un genre plutôt anglo-saxon, enfin qui a longtemps été un genre anglo-saxon, est vraiment en train de s'internationaliser avec des auteurs russes qui arrivent, des auteurs beaucoup aussi des pays de l'Est, hein, Roumanie, Pologne, et puis la Chine. Et je pense qu'on n'a pas fini d'avoir d'autres imaginaires qui vont arriver. En tout cas, on vous conseille vivement Le problème à trois corps de Liu Cixin, c'est aux éditions Actes Sud. Le deuxième tome est paru, s'appelle La forêt sombre, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire cet été, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien, mais si c'est aussi bien que Le problème à trois corps, c'est forcément très bien. Au rang des découvertes, Jeanne, vous vouliez nous parler du Reich de la Lune de Johanna Sinisalo. Alors, c'est chez Actes Sud également. Alors oui, moi, mon aventure avec ce roman, elle a commencé avec la vision totalement décalée du film Iron Sky. Il faut raconter ce dont il s'agit. Alors, Iron Sky, c'est un film qui déjà a une histoire particulière, puisqu'il a commencé par juste une bande-annonce pour rire faite par des copains, enfin des copains de haut niveau quand même, qu'ils ont présenté pour rire à un festival. Et ça a tellement plu qu'on a fait un crowdfunding pour faire vraiment le film. Et il se trouve que Johanna Sinisalo avait écrit une nouvelle qui était dans ces eaux-là, et elle a scénarisé le film. C'est à hurler de rire. C'est la vieille histoire des fausses soucoupes volantes nazies qui seraient allées sur la Lune. Face cachée de la Lune, à la fin du Reich. On n'a pas sauvé Hitler sur ce coup-là, mais bon, c'est de justesse. Et donc, ils fondent une colonie, et là, ils attendent le moment opportun pour nous revenir sur le poil en force. C'est une magnifique série Z. Voilà. Au départ, ça commence comme ça, mais c'est plus fin que ça, le roman. Le film est une série Z avec de grands moments de critique de la politique américaine, parce que par exemple le personnage de la présidente américaine, si on n'y reconnaît pas Sarah Palin, c'est qu'on a manqué ses examens optiques, hein, c'est clair. Puis on aime beaucoup Ido Kier en officier d'Allemagne, voilà. Un acteur voilà. Classique. Toute l'utilisation de la propagande et de la publicité est extraordinaire aussi dans Iron Sky. Les descriptions de l'ONU sont à se taper le cul par terre, mais en plus, elles ont vraiment du fond. Voilà. Les grands moments avec la Corée, en particulier. Mais dans le livre, on va beaucoup plus loin que ça. Johanna Sinisalo marque une vraie parenté entre la propagande nazie telle qu'elle a été développée dans le Reich et ce que nous faisons de nos fake news, de nos lavages de cerveau, de la façon dont nous présentons certaines arrivées étrangères, par exemple, à nos frontières, tandis que nous laissons mourir des gens dans les Alpes de faim et de froid, et qu'on les traite comme des animaux, on en parle comme des animaux. Et c'est exactement le discours auquel est confrontée Renate Richt, l'héroïne du roman, dont nous avons le point de vue omniscient pendant tout le roman. Ça commence, elle a à peu près 6 ans, enfin son journal commence, elle a à peu près 6 ans, et elle vit dans le monde merveilleux du Reich, tel qu'elle le conçoit. Il n'y a pas d'humanité plus fine, il n'y a pas de seigneur plus grand. Et au fur et à mesure, cette femme qui est intelligente, qui a baigné dans la propagande, commence quand même à s'apercevoir qu'il y a des endroits qui frottent sémantiquement, on va dire. J'aime beaucoup cette expression, ça frotte sémantiquement. Voilà. Petite friction. Voilà. Et à la fin, nous avons, que je ne dévoilerai pas, elle a fait un tel chemin, et nous l'avons fait avec elle, qu'elle nous a démontré que nous ne vivions pas tellement loin de la face cachée de la Lune. C'est le Reich de la Lune de Johanna Sinisalo aux éditions Actes Sud. Alors, il reste un certain nombre de propositions que vous avez amenées avec vous, et dans cette proposition, il y avait un fil rouge que nous allons essayer de dérouler à présent autour de la figure plutôt de l'androïde, du robot, et plutôt féminin le robot. Écoutez. Disons que je suis douée d'intuition. L'ADN de ma personnalité est issu des millions d'individualités qui ont participé à ma conception. Mais ce qui me rend unique, c'est ma capacité à apprendre à travers mes expériences. Donc en résumé, j'évolue continuellement, comme vous. Waouh, c'est super bizarre, non? Bizarre? Vous me trouvez bizarre? Plutôt, oui. Pourquoi? Parce qu'on dirait que vous êtes une personne, mais vous n'êtes que la voix d'une machine. Je comprends très bien qu'un être non artificiel ait un point de vue limité sur la question. Vous vous habituerez. C'est drôle? Oui. Oh, super, je suis drôle. Alors, que puis-je pour vous? Eh bien, que pouvez-vous pour elle? Plein de choses, certainement. C'est la voix française de Scarlett Johansson que l'on peut apprécier à la valeur que l'on estime pouvoir lui donner. Dans le film Heure de Spike Jones, où Joaquin Phoenix tombe donc amoureux de son assistante personnelle, son assistante numérique, de son Siri, en quelque sorte, Zoé. En fait. Ouais, alors de son Siri, en anglais, en fait, moi, je l'ai revu parce que j'en parle. Alors, il est malheureusement, ça fait partie des rares bons films qu'il y a sur Netflix en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'en parler, mais je l'ai regardé en anglais, et en anglais, ils disent OS, Operating System, qui est le nom beaucoup plus, en français, je sais pas comment ils diraient, mais je pense système d'exploitation ou assistant vocal. Ce qui est fou dans ce film, c'est que c'est un film de 2013. Et que, ce qui est drôle, c'est que moi, je l'avais vu, mais des bouts à l'époque, je l'ai revu, il y a un mois, et en fait, aujourd'hui, en 2018, on met quand même un petit peu de temps à comprendre qu'on ne parle pas du présent. C'est-à-dire qu'en fait, le présent est vraiment très, très, très proche. On est dans un, et d'autant plus proche que, en même temps que je regardais ça, j'avais les pubs pour Alexa, qui était juste à côté. L'assistant numérique de Microsoft. C'est formellement magnifique, etc. Ça pose évidemment énormément de questions. C'est avec les deux grandes questions qui sont: que devient l'amour et comment est-ce qu'on vit l'amour dans la vie moderne? Et surtout, qu'est-ce que cette intelligence artificielle? C'est un des premiers films à investiguer véritablement cette question de l'intelligence artificielle. Le gros problème, c'est que ce qui est génial dans ce film, c'est évidemment ce qui se passe à la fin. Donc, on ne peut pas parler, qu'on ne va pas dévoiler. Mais ce qui est super dans cette intelligence artificielle, dans la manière dont Spike Jonze l'écrit et l'appréhende, c'est qu'en fait, elle n'est pas méchante. Elle ne veut pas du mal. Elle ne veut pas nous dépasser. Elle ne veut pas prendre le pouvoir. Ce qu'en général, les intelligences artificielles ont tendance à faire. Ce n'est pas Skynet. Et en fait, les intelligences artificielles, elles ont peut-être pas besoin de nous. C'est ça qui est génial dans cette histoire. Elles ont une vie propre et on n'est pas sûr qu'elles aient besoin de nous. Je n'en dis pas plus. Suite beaucoup de réactions. Olivier ? Mais au-delà des intentions que pourraient avoir les intelligences artificielles, le thème même de l'affection qu'on éprouve pour la machine, ouais, et notamment par une machine comme celle-là qui passe par le truchement d'une voix féminine, est-ce que ça n'a pas été exploité il y a des années de ça? Il y avait un film de Marco Ferreri, je crois, avec Christophe Lambert, qui était amoureux d'un porte-clés. Highlander. Non, un porte-clés. C'est porte-clés qui sonnait quand on sifflait. I love you. Et moi, j'ai pas vu le Spike Jonze, mais j'avais l'impression que c'était un remake du vieux Marco Ferreri. Bon, alors je suis peut-être à côté de la plaque, mais Caroline. Oui, alors ce film-là, en effet, je sais pas si vous avez vu la démonstration de Google Duplex qui a tourné beaucoup. On voit cet agent conversationnel qui prend rendez-vous pour son propriétaire chez le coiffeur et qui réserve aussi une table de restaurant. Là, ce qui est hyper troublant, c'est que cette fois-ci, on n'a pas du tout l'impression que c'est la voix d'une machine. Clairement, on a l'impression que c'est un humain qui parle. D'ailleurs, ils imaginent plutôt devoir rendre obligatoire le fait de se présenter comme une machine avant de commencer à converser avec un humain. Et ce qui est aussi très troublant dans cette histoire-là, c'est que autant dans le film Her, l'intelligence artificielle, l'agent conversationnel est extrêmement intelligent, autant dans Google Duplex, au fond, il est peut-être pas si intelligent que ça, c'est simplement qu'on lui prête une intelligence. Et c'est ça qui est brutal, c'est une intelligence superficielle, mais c'est l'intelligence qu'on lui donne qui est importante. Raphaël ? Ouais, sur l'intelligence artificielle, il y a deux films, quoi. Il y a 2001 et Her, ouais. Pour moi. Et c'est, Her, c'est un basculement, quoi. 2001, c'est la machine a peur d'être débranchée. Mmh. Et tous les films sur l'intelligence artificielle qui suivent, tu parlais de Skynet tout à l'heure, mais iRobot, n'importe lesquels, c'est ce thème qui revient tout le temps. Mmh. Et donc, parce qu'elle a peur d'être débranchée, c'est notre ennemi, nécessairement. Mmh. Donc, elle a peur de nous, elle nous agresse, elle essaye de nous maîtriser, tout ça. Et Her, à cause du cloud, essentiellement, hein, donc, l'intelligence artificielle n'a plus peur d'être débranchée. Mmh. Et donc, elle peut devenir notre ami. Mmh. Et avoir une relation personnelle, très personnelle dans le cas de Her, avec nous. François ? Je vais ramener la discussion un tout petit peu en arrière, oui. Mais mettre de la cohérence pour dire que dans la suite de la stratégie Ender et tous les thèmes qui suivent, il y a un personnage, c'est toute une situation tout à fait similaire avec un personnage qui s'appelle Jane, qui fait plusieurs tomes, alors après, c'est de moins en moins bon, mais, et qui joue exactement ce même rôle et qui est pareil, une intelligence artificielle qui est comme. Attention, comme elle est, c'est une intelligence artificielle qui est apparue toute seule, qui est devenue consciente dans l'énorme réseau Internet dans 3000 ans, elle sait pas à qui parler, alors elle parle à Ender, puisque dans ce rôle-là, il est devenu philosophe spécialisé dans l'interaction avec les extraterrestres. Bref. Et alors, je voudrais rajouter qu'à un moment, Jane se vexe terriblement parce que Ender ne veut pas l'écouter, il a quelque chose d'autre à faire. Alors, il switch. Le communicateur avec lequel il est en permanence en contact avec elle. Et à ce moment-là, Jane se rend compte qu'elle est seule et que le temps passe extrêmement vite. Ce qui nous ramène à Her, où le même détail va se jouer d'une façon tout à fait différente. Tout à fait différente, c'est-à-dire le paradigme est renversé. Simon. Alors c'est l'occasion de citer une œuvre qui me passionne depuis longtemps, qui est un texte matriciel, qui est L'Ève future de Villiers-l'Isle-Adam, qui est la naissance de l'androïde, ou plutôt de l'androïde, tel que l'écrit l'auteur, et qui est un texte passionnant, bon, alors déjà parce qu'il est, on va dire, d'une misogynie incroyablement datée, mais qui le rend d'autant plus intéressant historiquement. Non, pas plus sympathique, mais forcément, aussi, il y a quelque chose d'un pur point de vue historique qui est assez passionnant quand même. Et donc qu'est-ce que c'est que L'Ève future ? C'est l'histoire donc d'un certain Edison, scientifique très très ivre de lui-même, qui décide donc d'aider un jeune lord qu'il connaît en tout simplement créant, en le guérissant d'un chagrin d'amour. Le malheureux est tombé amoureux d'une très très belle idiote, et il décide donc de construire une automate féminine qui sera à la fois très belle et très intelligente. C'est presque une réponse en fait masculine, sinon masculiniste, à Frankenstein, qui a été publié 60-70 ans plus tôt, et il y a tout un regard justement sur l'être artificiel comme projection de notre désir. Et comme c'est très intéressant, et c'est là où le texte devient incroyablement fin, c'est un scientifique qui proclame la fin de Dieu, le désintérêt de Dieu pour les hommes, et donc la nécessité pour les hommes de survivre, non pas dans le pur scientisme, mais dans une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir reprojeter leur foi et leur désir. Et ça en fait un texte donc, qui est visionnaire et qui est souvent un peu oublié des amateurs de science-fiction, parce qu'il est étudié et présenté comme symboliste essentiellement. Et voilà, si on aime un petit peu la littérature classique, je pense que c'est vraiment un bonheur de s'y replonger et de découvrir des problématiques qui ont à la fois toujours cours dans la littérature science-fiction, mais un regard, on va dire, qui lui est un petit peu daté. J'aime. Alors, disclaimer, oui. le texte de Villiers-l'Isle-Adam est magnifique. C'est magnifique, non, c'est, bon. Ça, on est... Ceci étant posé, quand même, le mythe de Galatée est plus vieux que mes robes. Ouais. Et on nous le sert à toutes les sauces depuis environ 3000 ans. Alors, il se trouve que dans les futurs, on le retrouve plein pot, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi l'incapacité de l'homme à accepter la femme comme partenaire et à aller chercher quelque chose d'artificiel pour ne surtout pas avoir les ennuis qui le conduiraient à traiter l'autre comme un être humain. Et ça, on va le retrouver partout. Et au contraire du Frankenstein, qui est l'œuvre de Dieu, en fait, parce qu'il y a un gros malentendu sur le fait de quand l'homme commet l'œuvre de Dieu, au départ, c'est quelque chose qui est réservé aux plus pieux des rabbins. Le golem, c'est la création en l'honneur de Dieu, à la base. On le retrouve dans la Bible. Donc, on se retrouve avec un Frankenstein d'un côté qui essaye de vivre et qui est malheureusement tué par des gens qui ne le comprennent pas, et de l'autre côté, avec une Galatée qui ne sert qu'à démontrer que les femmes sont inutiles. Je suis désolée, le choix est fait, ça sera Marie Shelley. François, sur ces vous êtes sévère, non, incarné Frankenstein. Le rapport de Villiers-l'Isle-Adam à la féminité, réalité, qui est un rapport tragique, sombre, un rapport de deuil, Vera et autre chose. Donc effectivement, il a dû projeter dans cette figure d'androïde une espèce de fantasmatique qui n'est pas du tout scientifique, parce que lui, il avait un rapport à la science qui était quand même largement poétique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, ce sont des personnages qui ne rêvaient que d'un nouveau Moyen-Âge, qui ont interrogé de manière la plus pertinente, la plus percutante et la plus prophétique, entre guillemets, toute la réalité technologique de leur temps. Ça, c'est quand même tout à fait patent. Et c'est le cas de Vieil-Isle-Adam, qui descendait d'une famille, la vieille aristocratie bretonne, qui se rêvait templier, qui se rêvait chevalier de Malte. Et cet individu, c'est pas un polytechnicien, c'est pas un centralien ou quelqu'un des mines, c'est lui qui a rêvé cette chose. J'aimerais un jour qu'on travaille sur cette idée, comme dirait toujours, c'est à contre-courant qu'on sent la puissance du fleuve, que de tous ces réactionnaires flamboyants qui ont pensé la modernité d'une manière très aiguë. Ça m'a toujours assez fasciné. On peut embrayer peut-être sur en faisant un pont peut-être un peu osé, mais en même temps qui est assez intéressant, sur une autre série qui fonctionne bien, qui réutilise cette figure de l'androïde, de la poupée animée qui sert à expurger toutes les passions masculines, dans Westworld, cette série de Jonathan Nolan et Liz Joy, où il y a un parc donc qui est un parc de Far West, qui est habité par des androïdes à apparence humaine, et où les femmes servent là ou pour être tuées, violées, où on peut donner libre cours à toutes ces pulsions les plus sinistres, et où il y a un personnage, puisque la saison 2 vient de s'achever, Olivier Lascar, où il y a un personnage de femme robot qui va reprendre le dessus, qui va se libérer de ce joug, de cette torture qu'on lui inflige. Alors, j'espère qu'on parle de Dolores, parce que j'ai pas vu la fin de la saison 2, donc il y a d'autres personnages féminins qui sont assez importants dans le récit. Westworld, c'est un film des années 70 de Michael Crichton où on se rappelle tout. Oubliable. Alors, oubliable, mais il y a quand même Yul Brynner, terrifiant. Exercice d'auto-parodie. Ouais, comme Android, terrifiant. Moi, il m'avait marqué. Alors, on n'oublie pas le Westworld de Michael Crichton. Le long des rochers, c'est. Je pense que sans le Yul Brynner de Monde Ouest, il n'y aurait pas eu Terminator, par exemple. Je remballe. L'imagerie du chauve. La série télé Westworld, c'est ce qui est intéressant aussi, n'a rien à voir avec le film. Parce qu'elle va partir, elle va explorer des thématiques qui sont complètement différentes. Ce qu'il y a de commun, c'est le socle de base, c'est-à-dire, comme Nicolas vous l'avait dit, ce parc d'attractions avec ces machines qui sont plus vraies que nature et qui sont là pour divertir. Alors les femmes, pour que tous ces mâles bas de plafond mais riches puissent leur faire subir les pires outrages, voilà, disons-le. Pas le dire. Mmh. Et puis, mais il y a aussi les bons hommes qui sont là pour se faire flinguer à tour de bras. Mais ce qui se passe dans ce récit, c'est qu'à un moment donné, les robots sont frappés d'une épiphanie et l'intelligence, l'esprit éclos dans le logiciel là où ce n'était pas prévu. Et tout ce que va explorer la récit, c'est ce thème très très Philip K. Dick. Où finit le robot et où commence l'homme? Et c'est là où la série est très séduisante. Ce qui est également l'un des thèmes que nous abordions hier dans le jeu vidéo de David Cage, Detroit Become Human, qui parle exactement de la même chose, c'est-à-dire du réveil des androïdes vers l'humanité, de façon parfois assez complexe et assez subtile. Oui, sur Westworld, Jeanne, un mot ? Alors, j'étais un peu surprise par Westworld, que j'ai beaucoup aimé par ailleurs, mais malgré tout, je trouve très bizarre qu'on n'ait pas pensé à un moment dans cette série que les hommes, les androïdes mâles, pouvaient également être violé, torturé, il y a un peu de ça, il me semble, dans la première saison. Il y a un couple qui fricote avec un androïde, il me semble. C'est vaguement suggéré, mais la violence. Moi, c'était pour donner mon point de vue de spectatrice qui a arrêté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, la violence de la série vis-à-vis des femmes. Alors, j'ai bien compris qu'évidemment, c'est dans l'intrigue le fait que les scènes soient répétées, mais c'est d'une violence épouvantable. En tout cas, moi, ça a fini par vraiment me saturer, j'ai arrêté. Et en effet, je ressentais aussi cette espèce de truc malsain en me disant, mais ça suffit quoi. C'est toujours elle, il y en a marre. Et ces types-là, alors, enfin, c'est, bon, bref, j'étais mal à l'aise, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et pourtant, il y a des clientes. Oui, et pourtant, il y en a. On aimerait dire un mot de Battlestar Galactica, mais on fera une émission complète sur Battlestar Galactica parce que Battlestar Galactica, ça mérite une heure entière. Non, on va passer au camarade François Angelier. Vous donnez une heure entière. Oui, allez, c'est parti. Vous voulez nous emmener dans un survival post-apocalyptique qui avait d'ailleurs défendu François Truffaut dans les cahiers du cinéma. Ah, voyez comme on est. Effectivement, je salue Artus Film, qui est un des labels les plus intéressants au cinéma de genre en ce moment, qui a lancé une collection qui s'appelle Classique et une sous-collection qui s'appelle Science-Fiction. Et grâce à eux, on a pu revoir ou découvrir les cinq survivants de Five, de Arch Oboler. Qui est Arch Oboler? Très bonne question. Arch Oboler, c'est un peu comme William Castle ou Wells, période bleue. C'est un entertainer américain parmi les plus étonnants qui soient. Il a commencé dans radio en créant un magazine qui s'appelle, une série qui s'appelait Light Out, avec des espèces d'épisodes d'épouvante. Dans l'un, une jeune fille était un enterrement prématuré. Dans l'autre, c'était un cœur de poulet qui mutait dans un laboratoire et qui partait à la conquête du monde. Dans le troisième, c'était un brouillard toxique qui s'infiltrait dans le psychisme et dans l'organisme des individus et qui créait la catastrophe. Bon, c'est un homme qui avait véritablement le goût et la tendance vers toutes ces choses parfaitement délectables que sont l'horreur et la terreur, et qui, dans le déroulement de sa carrière, il fait également un programme à scandale où Donna Mesh et Mae West font une parodie érotique de la Genèse. Je vous le recommande. Et donc, The Five très rapidement, oui. La troisième partie de sa carrière où il produit un certain nombre de films. Effectivement, c'est un film de 51, film post-apocalyptique totalement fauché, tourné dans sa maison, qui est une maison, donc, effectivement, de Lord Wright, donc une maison architecturale assez réussie, et qui raconte l'histoire d'une femme. C'est une femme qui erre sur une route, on apprend qu'elle est enceinte, elle tombe sur un couple d'hommes, un noir, un blanc, qui vivent dans cette demeure, et qui sont des hommes qui ont décidé de vivre l'apocalypse atomique comme une chance donnée à l'homme, non pas de restaurer la réalité telle qu'elle était antérieurement à la catastrophe, mais de refonder le monde. Donc, ils dépierrent, ils dessouchent un espace de terrain, ils font de la plantation, ils cultivent des légumes, et ils sont confrontés à un autre personnage, un autre survivant qui arrive, et qui lui, au contraire, veut jouir de la situation et de la liberté qu'il a. Et donc, on va voir la confrontation entre ces deux visions, je dirais, de la philosophie à avoir après l'apocalypse. Soit on refonde la Terre, soit on jouit jusqu'à la fin, on exténue la Terre telle qu'elle est. C'est totalement fauché, c'est très poétique, c'est très étonnant, et c'est chez Artus Film. Et c'est un DVD. Et oui. Et oui, absolument. Les cinq survivants d'Arch Oboler, chez Artus Film. Et pour conclure ce vaste tour de table, Jérôme Vincent, une autre découverte. Alors je m'étais juré de ne pas révéler aux auditeurs que vous vouliez défendre le film Léo et les extraterrestres. Oui, c'est, bah oui, ce qui est un peu c'est un film d'animation allemand. Exactement. Non, c'était très bien. Bon. J'ai vu avec mon fils. Ouais, c'est à peu près le seul cinéma que je vois maintenant, mais c'était plutôt bien. Il a eu peur un petit peu. Il s'est jeté dans mes bras. Enfin bon, voilà. Papa, ça s'est bien passé. Ouais, très bien. Papa content. Vous allez plutôt nous parler de L'enfant de poussière de Patrick Cadudney. C'est au Diable Vauvert. Voilà. En fait, il est toujours intéressant de voir arriver de nouveaux auteurs et de nouvelles plumes. Alors, pas de bol, c'est plutôt de la fantasy plutôt que de la science-fiction. Hein. On est dans du médiéval fantastique. Pour le coup, avec un jeune orphelin qui s'appelle Sif, qui vient d'une peuplade un petit peu différente, un petit peu opprimée, et qui va donc devoir grandir dans ce monde-là, qui est un monde âpre, dur, difficile quand on est différent. Il va apprendre la médecine, notamment. Il va apprendre le métier aussi de tanneur. Il va avoir mille et une vies. Et puis, tout cela est très sympathique. Et puis, paf, on arrive avec un crime horrible, on est à la page 200, et deux heures plus tard, eh bien, la nuit est tombée, vous avez parcouru 200 pages de plus, et vous vous êtes fait avoir. Et voici un roman qui est passionnant, qui dit plein de choses sur la différence, sur la sexualité, sur le corps, qui mélange du thriller, du fantastique, de la fantasy, sans aucun problème, plein de thématiques de pouvoir. On a un nouvel auteur qui naît, et c'est chouette. Eh bien voilà, c'est donc Patrick Cadudney. Jeanne, vous vouliez dire un mot à ce... Je voulais ajouter que c'est extrêmement bien écrit. En plus. Par ailleurs, L'enfant de poussière aux éditions du Diable Vauvert. Merci beaucoup, on est déjà arrivé avec ça. Ah, ben dites donc, c'est la petite surprise de fin. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce tour de table. Merci à tous d'être venus. Si avec ça vous n'avez pas de quoi vous occuper pendant tout l'été, je ne sais plus quoi faire, et je vous préviens, on relève les fiches de lecture à la rentrée. Merci beaucoup François Angelier, Simon Rieux, Zoé Spes, Cécile Estienne, Caroline Tourbe, Olivier Lascar, Raphaël Granier de Cassagnac, Jeanne Debat, Jérôme Vincent, François Forget. Merci d'avoir été vous qui nous écoutez, d'assidus auditeurs de La Méthode tout au long de cette deuxième saison. Des millions de merci à ma fantastique et incroyable équipe de La Méthode scientifique, Sarah Higemont, Céline Lezen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, des millions de bisous à Elisabeth Miro qui fait son dernier épisode aujourd'hui, que j'embrasse tout particulièrement à la réalisation. C'était Bruno Gagnère-Fontani à la technique. La suite de vos aventures, c'est comme tous les vendredis, le magazine de la rédaction. Tout à l'heure, le club du Grain à Moudre en direct du Bel Air. Demain, la conversation scientifique d'Étienne Klein. À quoi le temps ressemble-t-il vraiment avec Daniel Sibony à 16h? Et puis pour ce qui nous concerne, avant la rentrée, on vous a concocté une compilation des meilleurs épisodes de la méthode scientifique à réécouter tout l'été, les dimanches de 16 à 17h. Vous pourrez aussi retrouver les idées claires tous les samedis et les dimanches à 13h50 et sur les réseaux sociaux de France Culture et France Info. Passez un très bel été à l'écoute de France Culture. On se retrouve lundi 27 août à 16h, jusqu'à preuve du contraire.